Alors, nous parlerons de cette rentrée à Bujumbura et dans la ville de Gitega. Un corps d'un homme en décomposition a été découvert ce dimanche soir en commune Burambi de la province Rumonge. Des enquêtes pour tenter de l'identifier sont en cours selon la police à Rumonge. Une somme de plus de 11 millions de francs burundais a été volée au cours de cette nuit à la COPEC Gihanga, c'est en province Bubanza, après avoir enivré des policiers veilleurs de cette coopérative. Et dans la chronique sportive de ce lundi, le sélectionneur de l'équipe nationale des Inhamba seniors nous parlera des stratégies pour relever le niveau des joueurs des équipes qui ne sont pas aujourd'hui en bonne position. Vous l'entendrez dans ce journal présenté par Mireille Kanyange. Wachwa Fariala en assure la mise en onde. Isanganiro, la radio de l'avenir. Rebonjour, page sécurité pour débuter ce journal. Un corps d'un homme en décomposition a été découvert ce dimanche sur la colline Gisenyi, en commune Burambi de la province Rumonge. L'administration locale dit que cette personne, qui n'a pas pu être identifiée, serait tuée ailleurs pour ensuite être jetée dans cette localité. Des enquêtes pour tenter de l'identifier ont commencé selon le commissaire provincial de police de Rumonge. Une correspondance de Jean-Pierre Misago. Dans une plantation de thé située sur la sous-colline Ngoma, près de l'école fondamentale de Gisenyi, c'est là où ce corps a été découvert par une femme à la recherche du bois de chauffage, selon des sources sur place à Gisenyi. Selon les mêmes sources, les responsables collinaires et de la police à Burambi sont arrivés sur les lieux en début d'après-midi de ce dimanche, mais ne sont pas parvenus à identifier cette personne dont la décomposition atteignait un stade avancé. Seulement, on a constaté que c'était un homme de par les vêtements qu'il portait. Selon certains parmi la population de Gisenyi, le défunt serait tué ailleurs il y a à peu près 2 semaines pour être ensuite jeté dans cette localité. Au PC, un donatien Manirakiza, commissaire provincial de police à Rumonge, dit qu'aucun disparu n'est jusqu'à présent signalé dans cette localité et dans les environs, du moins selon les premières enquêtes. Mais cela n'empêche que l'on enterre son corps en décomposition pour préserver la santé de la population et poursuivre avec les enquêtes policières selon son commissaire provincial. Jean-Pierre Misago de Rumonge, Radio Isanganiro. Restons au sud du pays. Plusieurs coups de feu ont retenti sur la colline Mugendo-Ruko en zone Nyagasasa de la commune Mugamba, c'est en province Bururi. Vers 17h de ce dimanche, les sources sur place indiquent qu'un policier, guidé par des Imbonerakure qui roulait à 3 sur une moto, a tiré pour tenter de capturer un présumé rebelle qui avait été signalé dans cette localité. Au niveau du commissariat de police à Bururi, l'on reconnaît que plusieurs coups de feu ont été tirés. Sans faire de dégâts, pas d'arrestation selon toujours les sources policières à Bururi. Et quittons le sud du Burundi pour nous rendre un peu plus à l'ouest, en province Bubanza. Une somme de plus de 11 millions de francs burundais a été volée au cours de cette nuit à la COPEC Gihanga de la province Bubanza. Les bandits ont d'abord donné de la bière de banane mélangée avec de la drogue aux policiers et veilleurs qui étaient sur place. Ils ont par la suite défoncé la fenêtre pour pénétrer à l'intérieur avant de vider le coffre-fort. Les détails avec Spes Caritas Cabagnana. Avant d'entrer dans les enceintes de la COPEC, les bandits ont d'abord donné de la bière et de banane à laquelle ils ont mélangé aux stupéfiants, aux policiers et aux veilleurs qui gardaient cette institution bancaire. Ils se sont directement plongés dans un profond sommeil jusque ce lundi matin où il a fallu les secouer pour les réveiller. Le reste de la boisson, dans un grand flacon en plastique, était à côté d'eux, tout comme le fusil du policier. Les bandits ont alors défoncé la fenêtre pour arriver à l'intérieur du bâtiment. Ils ont ensuite cassé le coffre-fort et ont emporté tout l'argent qui se trouvait, 11 millions 60 000 francs burundais, selon des sources policières. Avant de passer à l'interrogatoire, le policier, d'abord désarmé, et le veilleur ont été d'abord conduits à l'hôpital puisqu'il paraissait encore inconscient. Spécialiste Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Toujours en page sécurité, le ministère de l'Intérieur affirme que 5 personnes qui ont été attrapées et emprisonnées à Rumonge sont accusés d'avoir tenu une réunion non autorisée, même si de leur côté, ils parlent de l'intolérance politique qui sont victimes d'appartenir à la coalition Amizero et à Barundi. Terence Nahiraj, assistant du ministre de l'Intérieur, explique que les coalitions ne sont autorisées que pendant la période électorale. Suivez-le, il a été joint au téléphone par Léonce Vitaliou. Il s'agissait effectivement d'une réunion dont c'était une personne qui ont participé à la campagne électorale au nom de la coalition Amizero et Barundi, effectivement. Or, ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas une association agréée par la loi. Et même s'il s'agissait d'un parti agréé ou d'une association, pour le faire, il existe une loi relative qui réglemente justement la tenue des réunions. Alors, il fallait respecter. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ces personnes ont été justement emprisonnées. Qu'est-ce qu'il faut pour se rencontrer en réunion pour la coalition Amizero Barundi, ou simplement, ils n'en ont pas le droit. Vous vous souvenez quand j'étais dans l'émission Mosaïque à la radio Isanganiro, j'ai dit à l'honorable Louassa, s'il veut de faire un parti politique, qu'il baptise Amizero et Barundi ou autre, afin qu'il puisse jouir les droits des partis politiques comme on définit la loi. Sinon, avant que le parti ne soit agréé, en aucun cas, les réunions ne sont pas acceptées. Mais dans l'entretemps, ces personnes disent également qu'elles étaient dans une festivité sociale. C'est toujours comme ça qu'ils le disent, c'est le langage de chaque fois qu'ils sont attrapés dans les erreurs. C'est comme ça qu'il le faut en fait. C'est pourquoi j'aimerais vous dire que faire la justice pourrait nous dire la vérité sur cette question. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Poursuivons ce journal à 13h02 dans les studios de la radio Isanganiro. À plus d'un mois de fermeture, les bureaux de change en mairie de Bujumbura ont relancé leurs activités depuis la semaine dernière. Le propriétaire de ces maisons indique que même s'ils ont eu l'autorisation de travailler, ils passent un bon temps sans clients. Le manque de ces billets verts persiste encore, ajoute-t-il. Les détails avec Placide Niumungere. De notre itinéraire, les bureaux de change situés à l'avenue de l'Amitié, au chaussée du Prince Louis Guagasole, ceux du boulevard de l'Iprona, étaient réouverts. Dans certains, on faisait encore des travaux de propriété, alors que dans d'autres, ils attendaient impatiemment leurs clients. Certains de ces propriétaires ont réouvert leur ferox depuis vendredi de la semaine dernière, tandis que les autres ont débuté avec ce lundi, indique-t-il hors nos micros. Même s'ils ont eu l'autorisation de relancer leurs activités de changeur, le manque de ces billets verts persiste encore, ajoutait-il. Ils passent un bon temps dans ces bureaux sans avoir aucun client, et même ceux qui venaient soit vendre ou acheter ces devises, les changeurs ripostaient qu'ils n'en ont pas encore. Nous avons voulu savoir le pourquoi de cette réouverture. Ces cambistes expliquent que ceux qui avaient intimé l'ordre de fermer sont ceux qui ont donné l'ordre de réouvrir, moyennant la signature d'un acte d'engagement dans lequel chaque échangeur s'engageait à se conformer au taux de change tel que fixé par la Banque de la République du Burundi. Comme nous l'avons trouvé affiché dans certaines de ces maisons, un dollar s'achète à 1690 et se vend à 1700 francs bout. Merci à Placide Niumungere. Je vous le disais en titre, ce 26 septembre, c'est la rentrée scolaire des écoles primaires et secondaires publiques à travers le pays. Et les élèves ne sont pas encore arrivés à leurs écoles en totalité aux écoles à régime d'internat. Cela étant au moment où l'année scolaire 2016-2017 a débuté ce lundi dans tout le pays, dans les écoles visitées. La situation est que l'État n'a pas encore versé les subsides. Et les débiteurs sont obligés de demander des crédits à leurs fournisseurs, mais des dettes ne font que s'accumuler car beaucoup d'écoles sont endettées à l'égard de ces fournisseurs. Les détails avec Arthur Kavabushi depuis Gitega. Même si l'année scolaire 2016-2017 a débuté ce lundi dans tout le pays, les effectifs des élèves présents aux écoles à régime d'internat dans la ville de Gitega sont encore petits. À notre passage à l'école paramédicale de Gitega, 160 élèves étaient présents sur 320 attendus. Le directeur de cette école, Venant Nahabahiriwe, fait savoir que les subsides de l'État ne sont pas encore disponibles sur les comptes de l'école et que pour le moment, il a demandé crédit aux fournisseurs de vivres de l'école. Il demande que ces subsides soient disponibles à temps, mais il ne cache pas sa peur quant à la hausse grandissante des prix des denrées alimentaires au marché. Olivier Moussinzira, le directeur d'internat, fait savoir qu'ils sont encore à la phase d'accueil et d'installation des élèves internes. À notre arrivée, ces élèves payaient le minerval pour avoir le matelas. Quant à la restauration des élèves, ce directeur d'internat indique qu'ils ont demandé crédit à leurs fournisseurs, mais que ceux-ci ont augmenté le prix à cause des dettes que cette colle a envers ses fournisseurs et vu que le délai de paiement n'est pas connu. À l'école des travaux publics de Gitega, les élèves étaient à l'extérieur et le personnel enseignant était en réunion de travail. Cependant, au bureau du directeur communal de l'enseignement à Gitega, il y avait beaucoup d'élèves composés de ceux qui venaient faire des recours sur les orientations après 9e et 10e. Et ils indiquent qu'ils vont rester à la maison dans l'attente de la réponse, même si les autres ont déjà commencé. L'autre groupe est fait de ceux dont leurs établissements ne sont pas apparus sur les listes d'orientation. Au bureau du directeur communal de l'enseignement à Gitega, la secrétaire indique qu'il y a certaines écoles que la machine avait sauté, mais que le directeur communal de l'enseignement en compagnie du directeur provincial de l'enseignement à Gitega sont à l'œuvre pour corriger ces erreurs et qu'une nouvelle liste va bientôt sortir. Arthur Kavabushi Gitega, Radio Isanganiro. Merci Arthur Kavabushi. Toujours en page éducation, les infrastructures et l'enseignement du système burundais n'avantage pas les enfants vivant avec handicap. Cela est dit par le président de l'Association de défense des personnes vivant avec handicap à Luchoto. Vianney Ndaysaba demande au gouvernement de disponibiliser quelques écoles pour faciliter l'accès à ces enfants. C'est du moins le contenu d'un communiqué de presse sorti ce 26 septembre, jour de la rentrée scolaire suivie. Si nous analysons les écoles primaires et les écoles secondaires, ne donnent pas l'accès pour les enfants handicapés. Aujourd'hui, il y a des écoles en étage. Les élèves burundais assis sur les bancs très hauts, mais il y a des enfants qui n'ont pas l'accès de s'asseoir sur un banc très haut. Il y a un problème que nous voyons, il n'y a pas un groupe des enseignants qui sont formés en fait d'essayer de donner la formation éducative à travers les enfants handicapés. Il y en a une seule école, c'est Notre-Dame de la Sagesse, qui enseigne des enfants handicapés. Nous voyons des problèmes au concours passé des élèves de la 9e année et de la 10e année. Ces enfants passaient le concours à l'ensemble des autres enfants, alors que ces enfants ont un handicap. Pour éradiquer ce problème, le gouvernement du Burundi doit prendre des mesures nécessaires afin de lutter ce genre de discrimination, de créer et de construire des écoles favorables pour les enfants handicapés. Parlons toujours de cette rentrée scolaire en mairie de Bujumbura, là où nous sommes passés comme au lycée Gisenyi. Les cours vont démarrer ce mardi à cause des travaux préparatoires qui sont toujours en cours. Au lycée Ngagara qui va aussi accueillir une école d'excellence, les cours ont déjà démarré. Tarsis Bendano, qui est le directeur de cette école, indique qu'il y a ici un problème de matelas. Les détails avec Aubin Nyonguru. Au lycée Ngagara, les travaux préparatoires pour la rentrée scolaire étaient en cours dans l'avant-midi de ce lundi. Depuis ce dimanche soir, le dortoir héberge les élèves qui se sont déjà présentés. Les murs des dortoirs ont été retapés. Sauf pour les 30 élèves de l'école d'excellence, le lycée Ngagara présente des difficultés liées aux matelas qui sont trop usés, selon le directeur de ce lycée. Effectivement, j'avais aussi le problème des matelas. Parce qu'il y a 4 ans qu'on nous a donné des matériaux, des 100 matériaux. Donc, ce que nous avons mis, ce sont des matériaux qui sont très vieux. Ce lycée va aussi accueillir une école d'excellence. Tarsis Mendanokira indique qu'ils se sont déjà préparés pour démarrer avec cette école. Donc, je pense que l'État s'est bien préparé pour accueillir cette école d'excellence. Je pense qu'il va quand même donner les moyens pour que notre école va mieux fonctionner. Je veux que c'est pratiqué parce que c'est un nombre donc limité. Parce que pour on a donné 30 élèves dans une classe. Dans ce cas, on va faire un bon suivi. Au lycée Gisenyi, le préparatif était en cours selon le préfet des études sur cette école. Ok, ici au lycée de Gisenyi, c'est vrai que nous avons débuté l'année comme dans tout le pays. Et même si chez nous, c'est-à-dire que nous sommes au préparatif, nous sommes en train de faire des travaux d'entretien pour essayer quand même d'évacuer les saletés qui se trouvent dans les différentes salles de classe. Je crois bel et bien que demain à 7h20, nous allons commencer les activités comme d'habitude. Georges Ndayihereje précise que ce lycée va accueillir les élèves orientés dans 3 sections après l'école fondamentale. Concernant l'enseignement post-fondamental, ici nous avons trois sections. Donc il s'agit de la section de langue, il y a la section de sciences sociales et humaines, il y a aussi la section de scientifique qui est appelée communément la section année commune. Parce que en deuxième année, nous allons dispenser ces élèves en trois catégories. Il y aura une section de maths physique, il y a aussi une autre section de biochimie et sciences de la terre. Le lycée Gisenyi va accueillir un effectif d'environ 450 élèves et le lycée Ngagara un effectif de plus ou moins 900 élèves. Parmi eux, 500 qui seront dans l'internat. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. Place à l'actualité internationale. Au Gabon, l'ONU et l'Union africaine prennent acte de la réélection du président Ali Bongo. Au Tchad, les insurgés de Boko Haram ont été neutralisés autour du lac Tchad. Et aux États-Unis d'Amérique, le premier face-à-face entre Hillary Clinton et Donald Trump est attendu ce soir. Les détails avec Alain Désiré Wukenez. Aux États-Unis d'Amérique, le premier débat entre Hillary Clinton et Donald Trump aura lieu ce lundi soir 26 septembre à Hofstra University dans la banlieue de New York. Les échanges, eux, vont durer 90 minutes avec des séquences sur des sujets aussi divers que l'économie, la sécurité nationale ou l'Amérique de demain. Près de 7000 journalistes sont accrédités pour l'événement. Selon le site de la RFI, c'est que ce premier débat intervient à un moment crucial de la campagne présidentielle américaine, car les récents sondages étant extrêmement serrés. Certes, Hillary Clinton est toujours en tête. Les sondages se sont intéressés au public qui prévoit de rester devant son écran ce lundi soir. 80% des électeurs ont répondu qu'ils allaient regarder tout ou une partie de ce débat. Au Tchad, les combats sont intervenus lors de l'attaque par les insurgés de Boko Haram du poste de Joloye, près de la frontière avec le Niger, à la tombée de la nuit samedi. 4 soldats tchadiens ont péri dans cette opération. Et dans sa riposte, l'armée tchadienne affirme avoir tué 7 éléments de cette nébuleuse. Comme nous le lisons sur le site de la BBC, la région du lac Tchad est régulièrement la cible d'attaques djihadistes menées par les membres de Boko Haram. Le Tchad, le Nigeria, le Niger, le Cameroun ainsi que le Bénin ont mis en place une force régionale pour lutter contre les djihadistes nigériens. Au Gabon, une importante présence policière, militaire et gendarme est visible à Libreville au lendemain de la décision de la Cour constitutionnelle. Selon les informations de la BBC, les États-Unis et l'ONU ont dit prendre note de la réélection du président gabonais ce dimanche. Pour sa part, la mission d'observation électorale de l'Union européenne au Gabon a regretté que la Cour constitutionnelle n'ait pas été en mesure de rectifier de manière satisfaisante les anomalies observées lors de ces élections. Radio Isanganiro Chronique. Le championnat national de football en première division édition 2016-2017 a débuté par une allure très accélérée comme celui de l'année dernière. C'est l'analyse du sélectionneur national des Inhamba seniors, Olivier Niungeko, évoque pendant le comportement des deux équipes qui ont été dans les deux premières places l'année dernière, qui ont aujourd'hui reculé. Les détails dans cette chronique d'Evariste Nziko Wanyanga. Le sélectionneur des Inhamba seniors indique que le championnat de cette année a débuté avec une allure très accélérée pour certaines équipes alors que d'autres ont reculé de place. Olivier Niungeko donne l'exemple de l'équipe Vitalo qui a été première l'année dernière, qui à la troisième journée se retrouve à la 11e position. L'année passée, Vitalo avait les cas dès les premières journées, il était au-dessus des autres équipes. Comme messager aussi, mais messager n'en avait pas beaucoup de points par rapport aux autres équipes. Je dirais que la compétition, chaque compétition, quand il commence, avant il y a la préparation physique, il y a tous les joueurs qui sont en forme et qui se sont bien préparés. Je pense que ce n'est que le début. Vous comparez Vitalo de l'année passée et Vitalo d'aujourd'hui. Et je dirais Vitalo de l'année passée, ils avaient des joueurs comme Lodi, comme Chassi, comme les Tchabalala. Maintenant, ils ne sont plus. Il y a aussi Moussamo aussi. Ils étaient là, ils étaient des bons joueurs. Mais aujourd'hui, ils sont en Tanzanie, les autres au Rwanda. C'est-à-dire qu'il y a cette manque de ces joueurs. Et les joueurs qui sont maintenant, ce sont des nouveaux joueurs, des jeunes joueurs qu'il faut travailler beaucoup parce qu'avec les jeunes, il faut s'y mettre et travailler beaucoup sur ce côté pour pouvoir justement les mener à un niveau qui nous sera utile à la compétition. Cet entraîneur de l'équipe nationale senior explique qu'il y a des clubs qui se sont bien préparés pour l'actuel championnat. Il donne l'exemple d'Atlético Olympique en première position à la troisième journée de la compétition. Mais comme vous savez, Atlético, il y a Omar, l'entraîneur, qui a pris tous les joueurs de Bujumbura City, la plupart de ces joueurs. Il vient de Bujumbura City, je pense que c'est un atout, parce que si un entraîneur se déplace avec ses joueurs, c'est-à-dire ils se connaissent, et au niveau technique ou bien tactique, ils se connaissent bien. Il n'a pas beaucoup de temps à mettre pour travailler comme, je dirais, Vitalo ou bien les autres clubs. Le sélectionneur Olivier Niungeko fait un clin d'œil aux équipes qui sont en bonne position de ne pas se racouler douce, car tout peut changer avec 27 matchs qui restent à jouer. Il lance un appel vibrant aux entraîneurs des équipes Vitalo et Messager Ngozi qui aujourd'hui en mauvaise position, alors qu'elles représenteront le Burundi dans les compétitions africaines, de rectifier leur tactique, ce qui poussera ces formations à mieux représenter le pays. Merci à Evariste Nzikobanyang. Ainsi se referme ce journal, mais je vous en rappelle les titres. Rentrée scolaire ce lundi, des écoles primaires, secondaires, publiques à travers le pays. Un problème de matelas est signalé dans quelques écoles à régime d'internat. Tout d'autre, les travaux d'entretien sont en cours. Vous l'avez entendu dans ce journal, on a parlé de cette rentrée en mairie de Bujumbura et dans la ville de Gitega. Un cordon nommant des compositions a été découvert ce dimanche en commune Burambi de la province de Lumonge. Des enquêtes pour tenter de l'identifier sont en cours selon la police dans cette province. Une somme de plus de 11 millions de francs burundais a été volée au cours de cette nuit à la COPEC Gihanga en province Bubanza après avoir enivré les policiers éveilleurs de cette coopérative. Et merci donc à vous tous qui avez suivi cette édition. Merci également à Wachua Fariala pour sa parfaite collaboration technique. Bon après-midi à tous et à tous. Au revoir.